Bienvenue au 18e épisode du podcast des mots. Venez d'entendre la musique Geek for Meeting certifiée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre en lebootcastdemo.blogspot.ca, discuter sur le forum lebootcastdemo.tro.fr et nous rejoindre par email au lebootcastdemo@modmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Je vais aujourd'hui vous parler de la trilogie Eastwheel 177. Trois films écrits et réalisés par M. Night Shyamalan. Désolé si je le prononce pas très bien. J'avais déjà vu Unbreakable, un film qui date de l'an 2000, mettant en vedette Bruce Willis et Samuel L. Jackson, et je l'ai beaucoup aimé. C'est plus ou moins un film de super-héros, mais fait de manière totalement différente, suivant ce qui semble être le concept consistant des films du réalisateur, prendre des genres populaires en les présentant selon un angle totalement différent, plus avec les dialogues qu'avec le spectaculaire, ce qu'il ne réussit vraiment pas toujours si je me base sur les commentaires sur bon nombre de ces films que je n'ai pas vus. Bruce Willis, dans Unbreakable, est le seul survivant d'un accident de train et Samuel L. Jackson est un expert en comique, ayant une maladie qui rend ses os extrêmement fragiles et il essaie de convaincre Bruce qu'il est l'inverse de lui, qu'il est résistant et fort et qu'il aurait le potentiel de devenir un super-héros. Bruce a aussi des problèmes de famille. Et après l'avoir revu, c'est toujours aussi bon. Si vous vous souvenez de mon système de cotation, qui est sur 5, je donne 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise, et 0 à une nullité, telle que Monsieur Trump. Et donc, je donnerai à Unbreakable une note de 4. Sur 5. Split, datant de 2016, n'est pas vraiment une suite de Unbreakable, mais pourrait se dérouler dans le même univers et fait éventuellement référence à son prédécesseur. L'héroïne du film est une ado plutôt reject qui se fait enlever avec deux autres ados par un homme assez particulier. On se rend compte assez vite qu'il a un problème de personnalité multiple. Ce qui n'est pas un spoiler, puisque c'est dans le titre du film, Split Personality, et sans doute dans le trailer. Le film est principalement du point de vue de l'héroïne, ce qui est intéressant et contribue au suspense du film. Nous avons un suspense assez intéressant, des personnages intéressants, à la manière du réalisateur, une exploitation assez réussie d'un concept intéressant. J'ai plus apprécié Unbreakable, mais Split est vraiment intéressant et totalement différent de son prédécesseur. Ce qui me fait hésiter un peu entre un 4 sur 5 et un 3 sur 5. Je crois que je vais y aller avec un 4, mais je suis c'est un 4 hésitant. Glass, datant de 2019 apparemment, est le film où se rencontrent les personnages des deux précédents films. Il est la suite des deux. Le film amène assez rapidement à l'inévitable affrontement entre le héros du premier film et le Split Personality Guy, tel qu'annoncé à la fin de Split. Mais Bruce, Samuel et Jim McAvoy, le Split, sont assez vite tous trois dans le même hôpital psychiatrique. Le film va évoluer avec les relations entre les trois personnages, mais on va s'intéresser aussi à trois personnages associés à chacun d'entre eux, avec l'introduction du personnel de l'hôpital. Comme le titre peut le laisser présager, Le personnage interprété par Samuel L. Jackson, Monsieur Glass, est au centre du film. Le film est bien, avec divers retournements assez réussis. Ce n'est pas qu'un affrontement entre les personnages de divers comiques. C'est plus intéressant que ça. Et donc, je donnerai à ce dernier film 4 sur 5. C'est une trilogie très intéressante que je recommande vivement. À la prochaine.